Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa. C'est parti. And death is pretty damn nice, so won't you take a breath?